8-19, activation orale, possessif, ton, ta, te. Regardez l'arbre généalogique de Mireille. C'est Mireille qui parle. Vous lui répondez familièrement. Mireille dit. 1. Qui est Cécile? Et vous répondez à Mireille. Eh bien, c'est ta sœur. 2. Qui est Marie-Laure? Eh bien, c'est ta sœur. 3. Qui est Madeleine Bello? C'est ta mère. 4. Qui est Georgette Bello? C'est ta tante. 5. Qui est Jeanne Bello? C'est ta grand-mère. 6. Qui est Lucie Potier? C'est ton arrière-grand-mère. 7. Qui sont Jeanne Bello et Louise Thomas? Ce sont tes grands-mères? 8. Qui est François Bello? Eh bien, c'est ton père. 9. Qui est Anatole Bello? Ton grand-père. 10. Qui sont Anatole Bello et Léon Potier? Ce sont tes grands-pères. 11. Qui sont Guillaume Bello et Henri Potier? Ce sont tes oncles.